Livre septième. Sommaire. Suite du récit. Eudore devient esclave de Pharamon. Histoire de Zacharie. Clotilde, femme de Pharamon. Commencement du christianisme chez les Francs. Mœurs des Francs. Retour du printemps. Chasse. Barbares du Nord. Tombeau d'Ovide. Eudore sauve la vie à Mérovée. Mérovée promet la liberté à Eudore. Retour des chasseurs au camp de Pharamon. La déesse Hertha. Festin des Francs. On délibère sur la paix et sur la guerre avec les Romains. Dispute de Camulogène et de Clodéric. Les Francs se décident à demander la paix. Eudore devenu libre est chargé par les Francs d'aller proposer la paix à Constance. Zacharie conduit Eudore jusque sur la frontière de la Gaule. Leurs adieux. « Par Hercule ! S'écria Démodocus en interrompant le récit d'Eudore. J'ai toujours aimé les enfants d'Esculape. Ils sont pieux envers les hommes et connaissent les choses cachées. On les trouve parmi les dieux, les centaures, les héros et les bergers. Mon fils, quel était le nom de ce divin barbare pour qui Jupiter, hélas, ne me semble pas avoir puisé dans l'urne des biens? Le maître des nuées dispose à son gré du sort des mortels. Il donne à l'un la prospérité. Il fait tomber l'autre dans toutes sortes de malheurs. Le roi d'Ithaque fut réduit à sentir un mouvement de joie en se couchant sur un lit de feuilles séchées qu'il avait amoncelé de ses propres mains. Jadis, chez les hommes plus vertueux, un favori du dieu d'Épidore eût été l'ami et le compagnon des guerriers. Aujourd'hui, il est esclave chez une nation inhospitalière. Mais hâte-toi, fils de l'Asthénès, de m'apprendre le nom de ton libérateur, car je veux l'honorer comme Nestor honorait Macaon. » Son nom parmi les Francs était Harold, reprit Eudore en souriant. Il vint me retrouver au premier rayon du jour, selon sa promesse. Il était accompagné d'une femme vêtue d'une robe de fil teinte de pourpre. Ses traits offraient, au premier coup d'œil, un mélange inexplicable de barbarie et d'humanité. C'était une expression de physionomie naturellement forte et sauvage, corrigée par je ne sais quelle habitude étrangère de pitié et de douceur. « Jeune grec, me dit l'esclave, remerciez Clotilde, femme de Pharamon, mon maître. Elle a obtenu votre grâce de son époux. Elle vient elle-même vous chercher pour vous mettre à l'abri des Francs. Quand vous serez guéri de vos blessures, vous vous montrerez sans doute esclave reconnaissant et fidèle. » Plusieurs cerfs entrèrent alors dans la caverne. Ils m'étendirent sur des branches d'arbres entrelacées et me portèrent au camp de mon maître. Les Francs, malgré leur valeur et le soulèvement des flots, avaient été obligés de céder la victoire à la discipline des légions. Heureux d'échapper à une entière défaite, ils se retiraient devant les vainqueurs. Je fus jeté dans les chariots avec les autres blessés. On marcha 15 jours et 15 nuits en s'enfonçant vers le nord, et l'on ne s'arrêta que lorsqu'on se crut à l'abri de l'armée de Constance. Le vieil esclave, occupé de ses devoirs, ne pouvait donner que quelques moments à mes peines. J'étais toujours étonné de la sérénité de son visage au milieu des travaux dont il était accablé. Eudore, me dit-il un soir, vos blessures sont presque guéries. Demain, vous commencerez à remplir vos nouveaux devoirs. Je sais que l'on doit vous envoyer, avec quelques serfs, chercher du bois au fond de la forêt. Allons, mon fils et mon compagnon, rappelez votre vertu. Le ciel vous aidera si vous l'implorez. » À ces mots, l'esclave s'éloigna et me laissa plonger dans le désespoir. Je passai la nuit dans une agitation horrible, formant et rejetant tour à tour 1000 projets. Tantôt je voulais attenter à mes jours, tantôt je songeais à la fuite. Mais comment fuir, faible et sans secours? Comment trouver un chemin à travers ces bois? Hélas, j'avais une ressource contre mes maux, la religion, et c'était le seul moyen de délivrance auquel je ne songeais pas. Le jour me surprit au milieu de ces angoisses, et j'entendis tout à coup une voix qui me cria « Esclave romain, lève-toi » On me donna une peau de sanglier pour me couvrir, une corne de bœuf pour puiser de l'eau, un poisson sec pour ma nourriture, et je suivis les cerfs qui me montraient le chemin. Lorsqu'ils furent arrivés à la forêt, ils commencèrent par ramasser parmi la neige les feuilles flétries, les branches d'arbres brisées par les vents. Ils en formaient çà et là des monceaux qu'ils liaient avec des écorces. Ils me firent quelques signes pour m'engager à les imiter, et, voyant que j'ignorais leur ouvrage, ils se contentèrent de mettre sur mes épaules un paquet de rameaux desséchés. Mon front orgueilleux fut forcé de s'humilier sous le joug de la servitude. Mes pieds nus foulaient la neige, mes cheveux étaient hérissés par le givre, et la bise glaçait les larmes dans mes yeux. J'appuyais mes pas chancelants sur une branche arrachée de mon fardeau, et, courbé comme un vieillard, je cheminais lentement entre les arbres de la forêt. J'étais prêt à succomber à ma douleur lorsque je vis tout à coup auprès de moi le vieil esclave, chargé d'un poids plus pesant que le mien, et me souriant de cet air paisible qui ne l'abandonnait jamais. Je ne pus me défendre d'un mouvement de honte. « Quoi ? » me dis-je en moi-même. « Cet homme, accablé par les ans, sourit sous un fardeau triple du mien, et moi, jeune et fort, je pleure. « Eudore, » me dit mon libérateur en m'abordant, « ne trouvez-vous pas que le premier fardeau est bien lourd ? Mon jeune compagnon, l'habitude et surtout la résignation rendront les autres plus légers. Voyez quel poids je suis venu à bout de porter à mon âge. Ah ! M'écriai-je, chargez-moi de ce poids qui fait plier vos genoux. Puissais-je expirer en vous délivrant de vos peines ? Mon fils, répartit le vieillard, je n'ai point de peine. Pourquoi désirer la mort ? Allons, je veux vous réconcilier avec la vie. Venez vous reposer à quelques pas d'ici. Nous allumerons du feu et nous causerons ensemble. Nous gravîmes des monticules irréguliers, formés comme je le vis bientôt par les débris d'un ouvrage romain. De grands chênes croissaient dans ce lieu, sur une autre génération de chênes tombés à leurs pieds. Lorsque nous fûmes arrivés au sommet des monticules, je découvris l'enceinte d'un camp abandonné. « Voilà, me dit l'esclave, le bois de Teutberg et le camp de Varus. La pyramide de terre que vous apercevez au milieu est la tombe où Germanicus fit renfermer les restes des légions massacrées. Mais elle a été rouverte par les barbares. Les os des Romains ont été de nouveau semés sur la terre, comme l'attestent ces crânes blanchis, cloués au tronc des arbres. Un peu plus loin, vous pouvez remarquer les autels sur lesquels on égorgea les centurions des premières compagnies et le tribunal de Gazon, d'où Arminius harangua les Germains. À ces mots, le vieillard jeta sa ramée sur la neige. Il en tira quelques branches, dont il fit un peu de feu, puis, m'invitant à s'asseoir auprès de lui et à réchauffer mes mains glacées, il me raconta son histoire. « Mon fils, vous plaindrez-vous encore de vos malheurs ? Oseriez-vous parler de vos peines à la vue du camp de Varus ? Ou plutôt, ne reconnaissez-vous pas quel est le sort de tous les hommes, et combien il est inutile de se révolter contre des maux inséparables de la condition humaine ? Je vous offre moi-même un exemple frappant de ce qu'une fausse sagesse appelle les coups de la fortune. Vous gémissez de votre servitude, et que direz-vous donc quand vous verrez en moi un descendant de Cassius, esclave et esclave volontaire ? Lorsque mes ancêtres furent bannis de Rome pour avoir défendu la liberté, et qu'on n'osa même plus porter leurs images aux funérailles. Ma famille se réfugia dans le christianisme, asile de la véritable indépendance. Nourri des préceptes d'une loi divine, je servis longtemps comme simple soldat dans la légion thébaine, où je portais le nom de Zacharie. Cette légion chrétienne, ayant refusé de sacrifier aux faux dieux, Maximien la fit massacrer, près d'Agone, dans les Alpes. On vit alors un exemple à jamais mémorable de l'esprit de douceur de l'Évangile. 4000 vétérans, blanchis dans le métier des armes, pleins de force, ayant à la main la pique et l'épée, tendirent comme des agneaux paisibles la gorge au bourreau. La pensée de se défendre ne se présenta pas même à leur esprit, tant ils avaient gravé au fond du cœur les paroles de leur maître, qui ordonne d'obéir et défend de se venger. Maurice, qui commandait la légion, tomba le premier. La plupart des soldats périrent par le fer. On m'avait attaché les mains derrière le dos. Assis parmi la foule des victimes, j'attendais le coup fatal. Mais je ne sais par quel dessein de la Providence, je fus oublié dans ce grand massacre. Les corps entassés autour de moi me dérobèrent à la vue des centurions. Et Maximien, ayant accompli son œuvre, s'éloigna avec l'armée. Vers la seconde veille de la nuit, n'entendant plus que le bruit d'un torrent dans les montagnes, je levai la tête et je fus à l'instant frappé d'un prodige. Les corps de mes compagnons semblaient jeter une vive lumière et répandre une agréable odeur. J'adorais le Dieu des miracles qui n'avait pas voulu accepter le sacrifice de mes jours. Et, comme je ne pouvais donner la sépulture à tant de saints, je cherchais du moins le grand Maurice. Je le trouvais à demi recouvert de la neige, tombé pendant la nuit. Animé d'une force surnaturelle, je me dégageais de mes liens, et avec le fer d'une lance, je creusais à mon général une fosse profonde. J'y réunis le tronc et le chef de Maurice, en priant le nouveau Maccabée d'obtenir bientôt pour son soldat une place dans la milice céleste. Ensuite, je quittai ce champ de triomphe et de larmes. Je pris le chemin des Gaules, et je me retirai vers Denis, premier évêque de Lutèce. Ce saint prélat me reçut avec des pleurs de joie, et m'admit au nombre de ses disciples. Quand il me crut capable de le seconder dans son ministère, il m'imposa les mains, et, me créant prêtre de Jésus-Christ, il me dit « Humble Zacharie, soyez charitable !» Voilà toutes les instructions que j'ai à vous donner. Hélas, j'étais toujours destiné à perdre mes amis, et toujours par la même main. Maximien fit trancher la tête à Denis et à ses compagnons, Rustique et Éleuther. Ce fut son dernier exploit dans les Gaules, qu'il céda bientôt après à Constance. J'avais sans cesse devant les yeux le précepte de mon saint évêque. Je me sentis pressé du désir de rendre quelque service à des misérables, et j'allais souvent prier Denis de m'obtenir cette faveur par son intercession auprès du Fils de Marie. Les chrétiens de Lutèce avaient enseveli leur évêque dans une grotte, au pied de la colline sur laquelle il avait été décapité. Cette colline s'appelait le Mont de Mars, et elle était séparée de la Séquana par des marais. Un jour, comme je traversais ces marais, je vis venir à moi une femme chrétienne tout éplorée qui s'écria « Ô Zacharie, je suis la plus infortunée des femmes. Mon époux a été pris par les Francs. Il me laisse avec 3 enfants en bas âge et sans aucun moyen de les nourrir. » Une rougeur subite couvrit mon front. Je compris que Dieu m'envoyait cette grâce par les prières du généreux martyr que j'allais implorer. Je cachai cependant ma joie, et je dis à cette femme « Ayez bon courage, Dieu aura pitié de vous !» Et sans m'arrêter, je me mis en route pour la colonie d'Agrippina. Je connaissais le soldat prisonnier, il était chrétien, et j'avais été quelque temps son frère d'armes. C'était un homme simple et craignant Dieu pendant la prospérité. Mais les revers le décourageaient aisément, et il était à craindre qu'il ne perdît la foi dans le malheur. J'appris à Agrippina qu'il était tombé entre les mains du chef des Saliens. Les Romains venaient de conclure une trêve avec les Francs. Je passai chez ces barbares. Je me présentai à Pharamond et m'offris en échange du chrétien. Je ne pouvais payer autrement sa rançon, car je ne possédais rien au monde. Comme j'étais fort et vigoureux, et que l'autre esclave était faible, ma proposition fut acceptée. J'y mis pour seule condition que mon maître renverrait son prisonnier, sans lui dire par quels moyens il était racheté. Cela fut fait ainsi, et ce pauvre père de famille rentra plein de joie dans ses foyers pour nourrir ses enfants et consoler son épouse. Depuis ce temps, je suis demeuré esclave ici, Dieu m'a bien récompensé, car, en habitant parmi ces peuples, j'ai eu le bonheur d'y semer la parole de Jésus-Christ. Je vais surtout le long des fleuves réparer, autant qu'il est en moi, le malheur d'une expérience funeste. Les barbares, afin d'éprouver si leurs enfants seront vaillants un jour, ont coutume de les exposer au flot sur un bouclier. Ils ne conservent que ceux qui surnagent et laissent périr les autres. Quand je puis réussir à sauver des eaux ces petits anges, je les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour leur ouvrir le ciel. Les lieux où se livrent les batailles m'offrent encore une abondante moisson. Je rôde comme un loup ravissant dans les ténèbres, au milieu du carnage et des morts. J'appelle les mourants qui croient que je viens les dépouiller. Je leur parle d'une meilleure vie. Je tâche de les envoyer dans le repos d'Abraham. S'ils ne sont pas mortellement blessés, je m'empresse de les secourir, espérant les gagner par la charité au Dieu des pauvres et des misérables. Jusqu'à présent, ma plus belle conquête est la jeune femme de mon vieux maître Pharamond. Clotilde a ouvert son cœur à Jésus-Christ. De violente et cruelle qu'elle était, elle est douce et compatissante. Elle m'aide à sauver tous les jours quelques infortunés. C'est à elle que vous devez la vie. Lorsque je courus lui apprendre que je vous avais trouvé parmi les morts, elle songea d'abord à vous tenir cachée dans la grotte afin de vous soustraire à l'esclavage. Elle découvrit ensuite que les Francs allaient continuer leur retraite. Alors, il ne lui resta plus qu'à révéler le secret à son époux et à obtenir votre grâce de Pharamond. Car, si les barbares aiment les esclaves sains et vigoureux, leur impatience naturelle et le mépris qu'ils ont eux-mêmes pour la vie leur font presque toujours sacrifier les blessés. Mon fils, telle est l'histoire de Zacharie. Si vous trouvez qu'il a fait quelque chose pour vous, il ne vous demande en récompense que de ne pas vous laisser abattre par les chagrins et de souffrir qu'il sauve votre âme après avoir sauvé votre corps. Eudore, vous êtes né dans ce doux climat, voisin de la terre des miracles, chez ces peuples polis qui ont civilisé les hommes. Dans cette Grèce où le sublime Paul a porté la lumière de la foi, que davantage n'avez-vous donc pas sur les hommes du Nord, dont l'esprit est grossier et les mœurs féroces? Seriez-vous moins sensible qu'eux à la charité évangélique? Les dernières paroles de Zacharie entrèrent dans mon cœur comme un aiguillon. L'indigne secret de ma vie m'accablait. Je n'osais lever les yeux sur mon libérateur. Moi, qui avais soutenu sans trouble les regards des maîtres du monde, j'étais anéanti devant la majesté d'un vieux prêtre chrétien, esclave chez les barbares. Retenu par la honte de confesser l'oubli que j'avais fait de ma religion, poussé par le désir de tout avouer, mon désordre était extrême. Zacharie s'en aperçut. Il crut que mes blessures étaient rouvertes. Il me demanda la cause de mon agitation avec inquiétude. Vaincu par tant de bonté, et les larmes malgré moi se faisaient un passage, je me jetais aux pieds du vieillard. « Oh, mon père, ce ne sont pas les blessures de mon corps qui saignent. C'est une plaie plus profonde et plus mortelle. Vous qui faites tant d'actes sublimes au nom de votre religion, pourriez-vous croire, en voyant entre nous si peu de ressemblance, que j'ai la même religion que vous ?»« Jésus-Christ !» s'écria le saint, levant les mains vers le ciel. « Jésus-Christ, mon divin maître, quoi ? Vous auriez ici un autre serviteur que moi ?»« Je suis chrétien, » répondis-je. L'homme de charité me prend dans ses bras, m'arrose de ses larmes, me presse contre ses cheveux blancs, en disant avec des sanglots de joie, « Mon frère, mon cher frère, j'ai trouvé un frère !» Et je répétais, « Je suis chrétien, je suis chrétien !» Pendant cette conversation, la nuit était descendue. Nous reprîmes nos fardeaux et nous retournâmes à la hutte de Pharamond. Le lendemain, Zacharie vint me chercher à la pointe du jour. Il me conduisit au fond d'une forêt. Dans le tronc d'un vieux hêtre, où Ségovia, prophétesse des Germains, avait jadis rendu ses oracles, je vis une petite image qui représentait Marie, mère du Sauveur. Elle était ornée d'une branche de lierre chargée de ses fruits mûrs et nouvellement placée aux pieds de la mère et de l'enfant, car la neige ne l'avait point encore recouverte. « Cette nuit même, me dit Zacharie, j'ai appris à l'épouse de notre maître que nous avions un frère parmi nous. Pleine de joie, elle a voulu venir au milieu des ténèbres parer notre autel et offrir cette branche à Marie en signe d'allégresse. » Zacharie avait à peine achevé de prononcer ces mots que nous vîmes accourir Clotilde. Elle se mit à genoux sur la neige au pied du hêtre. Nous nous plaçâmes à ses côtés et elle prononça à haute voix l'oraison du Seigneur dans un idiome sauvage. Ainsi, je vis commencer le christianisme chez les Francs. Religion céleste, qui dira les charmes de votre berceau? Combien il parut divin dans Bethléem aux pasteurs de la Judée? Qu'il me sembla miraculeux dans les catacombes lorsque je vis s'humilier devant lui une puissante impératrice? Et qui n'eût versé des larmes en le retrouvant sous un arbre de la Germanie, entouré pour tous adorateurs d'un Romain esclave, d'un prisonnier grec et d'une reine barbare? Qu'attendais-je pour retourner au bercail? Les dégoûts avaient commencé à m'avertir de la vanité des plaisirs. L'ermite du Vésuve avait ébranlé mon esprit. Zacharie subjuguait mon cœur. Mais il était écrit que je ne reviendrais à la vérité que par une suite de malheurs et d'expériences.